Chapitre 13, deuxième partie. Nous ne pûmes arriver à Stauropol qu'à une heure assez avancée de la soirée. Ce contretemps nous empêcha de profiter, pour la nuit, de nos lettres de recommandation. Il fallut nous résigner à chercher un gîte dans les hôtels de quelque apparence qui garnissaient la principale rue. Mais tous étaient pleins, et bon gré mal gré, nous dûmes aller chercher fortune dans les faubourgs. À force de frapper et de faire du bruit, l'officier polonais parvint à nous caser au Grand Saint-Nicolas, mauvaise bicoque dont la chambre commune était déjà envahie par une douzaine de voyageurs. Néanmoins, nous conquîmes un petit coin grâce encore à notre officieux compagnon. Une fois en possession de ce bienheureux domaine, nous pûmes, avec nos coussins et nos pelisses, arranger un divan qui en valait bien un autre. J'eus, dans cette circonstance, la preuve, une fois de plus, combien dans ce pays les voyageurs s'occupent peu les uns des autres. Chacun fait son petit ménage, se livre à ses habitudes nationales sans s'embarrasser de son voisin. Ainsi, dans cette chambre remplie d'individus, de mœurs tellement diverses, nous nous trouvâmes aussi à notre aise que si l'appartement eût été à nous seuls. Notre langage, notre manière d'être, notre costume ne nous attirèrent pas un seul regard indiscret. Tout en observant avec intérêt ce qui se passait autour de nous, de nouveaux voyageurs arrivèrent. L'hôte, après une contestation assez longue, leur permit d'entrer, quoique fort embarrassé pour les loger. Quel fut notre étonnement lorsque nous reconnûmes dans le principal interlocuteur le circassien qui avait si vivement excité notre curiosité. Décidément, le hasard, qui du reste nous avait servi tant de fois dans ce voyage, voulait encore nous favoriser de l'une de ses plus agréables surprises. Je ne sais comment, le circassien vint à bout de trouver une place pour déposer ses bagages. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il réussit à former, avec l'aide de ses deux domestiques, un divan à peu près semblable au nôtre. Ce soin achevé, il sortit et rentra, quelques instants après, soutenant dans ses bras une femme entièrement voilée qu'il déposa très délicatement sur le divan et s'assit à son côté avec les marques d'une vive tendresse. De temps à autre, il soulevait les voiles blancs qui nous dérobaient les traits de la jeune femme pour l'interroger avec les formes les plus respectueuses. Toute cette scène possédait un charme poétique que je chercherai vainement à exprimer. Il y avait dans les attitudes, le costume, la physionomie de ce petit groupe, une grâce orientale dont un peintre eût été vivement frappé. Non seulement le regard avait un délicieux tableau à admirer, mais l'imagination, cette folle du logis, trouvait là ample matière à s'exercer. Malheureusement, la charmante vision disparut comme un songe. À peine quelques minutes s'étaient-elles écoulées que l'hôte vint chercher le couple mystérieux pour le conduire dans une chambre destinée à lui seul. Des précautions infinies furent prises pour emporter l'inconnu qui semblait mourante. J'aurais voulu avoir le droit de la suivre et de lui prodiguer les soins que toute femme est heureuse de donner à une personne de son sexe. Mais c'était chose impossible. Elle s'éloigna de nous sans se douter de l'impression extraordinaire qu'elle avait produite sur notre esprit. Le lendemain, encore tout préoccupé de cette aventure, nous interrogeâmes notre hôte, qui ne nous répondit que d'une manière fort vague. Tout ce que nous pûmes comprendre, c'est que la jeune femme était venue à Stauropol pour consulter un célèbre médecin sur son état qui présentait peu d'espoir. Quant au rapport existant entre elle et le jeune chef, aux causes morales de sa maladie, à la partie intéressante de l'histoire, nous ne pûmes absolument rien obtenir du maître d'hôtel. Cependant, si notre séjour s'était prolongé dans l'auberge, il est probable qu'avec le secours du drogman, nous serions parvenus à connaître quelque chose de positif sur le jeune couple. Mais dès le lendemain, un Français, pour qui nous avions des lettres de recommandation, s'empressa de nous offrir son logement. Et moitié de gré, moitié de force, nous enleva de l'hôtel, nous ôtant ainsi toute espérance d'approfondir une histoire qui se présentait sous un aspect si romanesque. Cet homme obligeant, ancien serviteur de Napoléon, est un des mille débris qu'on trouve éparpillés dans toute la Russie. Fait prisonnier de guerre en 1812, il n'eut d'autre ressource que celle de l'enseignement. Stauropol lui doit la création d'un pensionnat, établissement très précieux dans une ville aussi reculée. Pendant les quelques jours que nous passâmes chez lui, nous ne pûmes assez nous louer de lui et de sa famille. Il faut avoir voyagé dans ces contrées éloignées pour comprendre tout le bonheur que peut causer la rencontre d'un compatriote parlant votre langue et sympathisant avec tout ce qui fait le charme de notre civilisation. Que de fois nous avons été accueillis avec toute la politesse de l'ancienne cour par de vieux émigrés remplissant encore les modestes fonctions d'instituteur ou d'intendant. À la vérité, ces représentants d'une autre époque et d'une autre société disparaissent de jour en jour. Mais les prisonniers de guerre qui ont eu le bonheur d'échapper à la Sibérie sont encore nombreux dans ce pays et y perpétuent le goût de la langue française, base de toute éducation russe. Stauropol, la capitale du Caucase, est une ville fort agréable qui nous parut d'autant plus animée que la foire en avait doublé la population. Mais je m'aperçois que dans le cours de ce voyage, je n'ai pas encore cité le nom d'une ville sans y accoler tout aussitôt le nom de foire. C'est qu'en effet, nous ne pouvions arriver nulle part sans retrouver ces solennités mercantiles si propres à nous donner une haute idée du commerce de la Russie. Cependant, à Stauropol, la foire nous occupa beaucoup moins que le général Grab, revenu depuis 8 jours à peine d'une expédition contre les Circassiens. Son état-major remplissait toute la ville du bruit de ses fanfares et de ses exploits. Chaque officier avait à raconter quelques brillants faits d'armes dont, bien entendu, il s'attribuait tout l'honneur. À peine de retour, le général Grab s'occupait déjà activement de préparer une autre campagne sur laquelle il fondait les plus grandes espérances. Ne s'avisa-t-il pas de faire des instances très vives auprès de mon mari pour l'engager à l'accompagner, tout comme s'il se fût agi d'une partie de plaisir? Il lui offrait sa tente, des instruments de physique, tout ce dont il pouvait disposer pour faire tourner cette excursion au profit de la science. Dans toute autre circonstance, l'idée de pénétrer chez les tribus du Caucase, protégées par une armée entière, aurait sans doute séduit M. de Hell. Mais c'eût été une véritable folie que d'entreprendre un semblable voyage après ceux que nous venions à peine de terminer. Nous passâmes 2 ou 3 jours à nous remettre de nos fatigues au sein de l'excellente famille Croupier. Puis il fallut prendre congé de Stauropol et de sa population variée. L'idée de quitter pour toujours ces braves et hardis circassiens qui semblaient être venus tout exprès à Stauropol pour nous dire un dernier adieu doublait encore l'intérêt qu'ils avaient à nos yeux. Peu d'heures avant notre départ, nous nous rendîmes exprès sur le théâtre de la foire pour les admirer une dernière fois et graver dans notre mémoire un type qui représente avec tant de noblesse et de beauté l'une des 1000 variétés de la race humaine. Fin du 13e chapitre.